Exercice 2, page 16. A. Cinéma. Cabine. B. Expliquer. Examen. C. Wagon. What. D. Phrase. Défense. E. Gare. Genre. F. Second. Secours.